الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 22e dars de cette série de dars sur l'itqan de l'imam Suyuti. رحمه الله. 22e dars est le 3e dars de ce chapitre-là qui est le chapitre de Tadwin de la compilation du Coran. Nous sommes arrêtés la dernière fois. La dernière chose que nous avons dite, c'est sur le nombre des versets. Que le prophète sallam s'intéressait au nombre. Bon, nous parlerons, inchallah, aujourd'hui du recensement du nombre des versets du Coran. Le recensement est une science. Le recensement du nombre des versets du Coran est une science. Des savants lui ont consacré des livres. Abu Amr Dani a écrit un livre sur le nombre des versets du Coran. Le Bayan fi 'addi ayy al-Qur'an. L'imam al-Ja'bari a composé un livre sur le nombre. Hassan al-Madad fi ma'rifati al-'adad. L'imam Sakhawi a écrit un poème sur le nombre des versets. Et le Cheikh Abd al-Fattah al-Qadi, un savant contemporain, c'est le Cheikh de notre cheikh Mustafa al-Buhayawi. Le cheikh Abd al-Fattah al-Qadi, il a fait un livre sur Ad al-Qur'an. Il a appelé Nafa'is al-Bayan fi Ad ayy al-Qur'an. Le nombre de versets, il repose sur la riwaya, sur l'isnad, qui remonte aux compagnons. Il y a khilaf, divergence sur le nombre de versets du Coran, entre les gens de Médine, ceux de la Mecque, ceux du Shem, ceux de l'Basra, ceux de l'Koufa, il y a une différence. À quoi est dû ce khilaf? À quoi est dû cette divergence? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêtait à la fin de chaque verset pour avertir ses compagnons qu'il s'agit de la fin d'un verset. Une fois qu'il l'ait enregistré, il récitait, dans d'autres circonstances, ce même verset sans s'arrêter. Sans s'arrêter pour montrer qu'il est permis de continuer ou pour compléter le sens. Et certains compagnons qui ne l'avaient pas entendu s'arrêter et ce verset, ils pensaient que le verset ne s'est pas encore terminé. Et qu'est-ce qu'ils font de deux versets, un seul verset. Et c'est ce qui fait que certains compagnons avaient compté un nombre inférieur que d'autres. Je crois que c'est compris. Parfois, le prophète ne respectait pas la fin du verset. Et le compagnon qui n'a pas entendu auparavant le prophète sallam s'arrêter à ce verset, il pensait que le verset ne s'est pas encore terminé. Et il réunissait deux versets, il les comptait un seul verset. Exemple. Dans Sourate Al-Alaq. Ara'ayta alladhi yanha. Fin de verset. Selon Hafsa an Asim. Ara'ayta alladhi yanha. عبدا إذا صلى. Donc, رأيت الذي ينهى verset. عبدا إذا صلى verset. Ça, tous les recensements, normalement, tous les recensements sont d'accord pour compter رأيت الذي ينهى un verset et عبدا إذا صلى un verset. Sauf le recensement du Shem, selon la qira'a des gens du Shem. Selon la qira'a des gens du Shem. D'Ibn al-Ala, d'Ibn Amir. D'Ibn Amir. Selon eux, ils considèrent Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla comme un seul verset. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. C'est-à-dire, même syntaxiquement, c'est une seule phrase. D'accord? Et ils comptent ça comme un seul verset. Ben, d'où la différence entre les différents, la différence entre les recensements. La quantité est la même. L'ordre est le même, sauf que la face est là, la terminaison, la séparation, l'endroit où il faut marquer la fin du verset diffère. C'est bon? Donc il ne faut pas penser que cette divergence implique qu'il y a des versets en plus ou des versets en moins ou quelque chose de ce genre. D'accord? On distingue sept recensements. Sept. Le recensement du Médinois premier, l'Adl Madani l'Oul. C'est le nombre que rapporte Nafi' al-Madani al-Qari'. نافع المدني de ces deux cheikhs, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa et son autre cheikh, Cheikh ibn Nassah. D'accord ? Selon Abu Amr Dani et selon Shatibi, ce nombre est de 6217 versets. Ça, il est rapporté par Nafi' al-Madani, al-Qari', Warsha al-Nafi'. Le recensement médinois second maintenant. Il y a deux recensements de Médine. Le recensement médinois second, c'est le nombre que rapporte Ismaïl ibn Ja'far. Ismaïl ibn Ja'far de Suleyman ibn Jimaz, lequel le rapporte de Shayba et de Yazid. C'est-à-dire Yazid, Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa. Il est de 6214 versets. Ouais, le nombre, ça se fonde, ça se compte pas comme ça. Le nombre, il se fonde sur la riwaya, sur l'isnad, les chaînes de maître à élève, ça se transmet ça. On transmet la qira'a, la façon de réciter, et on transmet aussi le nombre des versets, on transmet même le rasm, la graphie du mushaf othmanien. Les Marocains, ils adoptent ce recensement dans leur mushaf. Les Marocains, nous les Marocains, on adopte le recensement le Madani Thani, second. Il y a le recensement mécois. Le recensement mécois. Abu Amr Dani le rapporte selon une chaîne qui remonte à Abdullah ibn Kathir. Abdullah ibn Kathir, c'est Ibn Kathir le Mekki, c'est l'un des sept Qurra, hein, lequel le rapporte de Mujahid ibn Jabr. Et Mujahid ibn Jabr le rapporte de Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas le rapporte d'Ubay ibn Ka'b. Le nombre ici, l'Add al-Makki, il est de 6210 versets. L'Add al-Basri, le recensement bassorien, il est rapporté par Asim al-Jahdari ou Ata ibn Yasar. C'est un nombre attribué à Ayyub ibn al-Mutawakkil. Il est de 6204. Versets. Puis il y a l'Add al-Shami ou Dimashqi, le recensement damascain. C'est le nombre que rapporte Yahya al-Zimari, lequel le rapporte de Abdullah ibn Amir al-Yahsoubi, lequel le rapporte d'Abu Darda. Abdullah ibn Amir, c'est le Qari', lequel le rapporte d'Abu Darda. Abu Darda, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même le Muqri' du Sham, de la Syrie. Ce nombre est attribué aussi à Othman ibn Affan. Il est de 6227. Certains savants spécialistes disent qu'il est de 6226. Enfin, puis il y a le recensement koufique, le recensement des gens de la Koufa, en Irak. Le recensement koufique, c'est le nombre attribué à Hamza Zayed. Hamza Zayed, c'est l'un des sept Qurra. Hamza, Qira'at Hamza. Abu al-Hassan al-Kisa'i, c'est un Qari', al-Kisa'i. Et Khalaf ibn Hisham. Khalaf ibn Hisham, c'est un des Qurra, mais parmi les trois supplémentaires, c'est-à-dire, on dit l'Ashara, min al-Ashara, parmi les dix. Hamza Zayed a dit, celui qui nous a transmis son nombre, c'est Ibn Abi Layla, lequel l'a reçu de Abdurrahman al-Sulami, lequel l'a reçu de Ali ibn Abi Talib. Il est de 6236 versets. Ça dépend des muqra' et des masahif, des exemplaires que Uthman a envoyés aux différentes métropoles. Les mushaf que vous récitez maintenant, que vous récitez en France en général, sont les mushaf selon, à savoir les mushaf selon Hafs An Asim, il suit le recensement koufique des gens de la Koufa en Irak. D'accord ? Dans le surat, vous allez voir dans le livre, dans le mushaf selon Riwayat Hafs An Asim, la basmala est un verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est marqué un, c'est un verset. Donc, et ça c'est yahadith là-dessus, de toute façon, yahadith authentique où le prophète sallam a dit idha qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillah ar-rahman ar-rahim inna umul qur'an wa umul kitab wa sab'al mathani wa bismillah ar-rahman ar-rahim ihda ayatiha, Il a dit la basmala, bismillah ar-Rahman, est l'un des versets de la Fatiha. C'est un hadith rapporté par Dayraqutni, al-Bayhaqi. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, on trouve dans ces silat sahiha du Sheikh al-Albani. Donc, le recensement koufique, selon le recensement koufique, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est un verset. D'accord ? Ça, c'est le recensement koufique et aussi Mekki, l'adl Mekki. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 1. Alhamdulillah Rabbil Alamin, 2. Ar-Rahman ar-Rahim, 3. Maliki Yawmiddin, 4. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, 5. Ihdina sirata al-mustaqim, 6. Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, 7. D'accord ? Selon d'autres recensements, le recensement médinois, et d'autres recensements, le recensement bassourien, les autres recensements, il ne compte pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme le verset, mais le verset le premier c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin 1, Ar-Rahman ar-Rahim 2, Maliki Yawmiddin 3, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in 4, Ihdina as-sirata al-mustaqim 5, صراط الذين أنعمت عليهم سيس غير المغضوب عليهم ولا الضالين سات. Donc ça diffère. Et ces recensements, bien sûr, comme j'ai dit, suivent les qira'at. Il y a des mushaf imprimés aujourd'hui selon la riwaya de Warsh, mais ils se fondent sur ils sont imprimés selon le recensement koufique. On sait que le recensement koufique compte Alif Lam Mim comme un verset, ce qui n'est pas le cas du recensement médinois. Hein? Alif Lam Mim Sad, il le considère comme un verset. Kaf, Haya, Ain, Sad, les lettres isolées, le Muqta'at, il les considère cela, parce que d'autres, il ne les considère pas comme des versets. Kaf, Haya, Ain, Sad, il considère comme un verset. Que vous lisez de Riwayat Hafsan Asim. Il y a Taha, un verset. Ta, Sim, Mim, un verset. Yassine, un verset. Hamim, verset. Ain, Sin, Qaf, un verset. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hamim, toute seule, un verset. Ain, Sin, Qaf, un verset. C'est de Surat Shura. Donc il y a différence. Il y a différence. Selon le recensement médinois deuxième, le nombre de versets de la Surat Al-Kahf est de 105. Alors que selon le recensement koufique, il est de 110. Or, cela ne convient pas. Il ne convient pas que la qira, la riwaya soit riwaya warsh al-nafi' et que le ad, le recensement, soit un recensement qui est autre que le recensement médinois, recensement koufique. Selon la, il ne convient pas d'imprimer un mushaf de cette manière, hein, avec une riwaya avec un recensement différent de celle de riwaya warsh, hein, recensement. De médinois, c'est riwayat warsh, Hafs an Asim, recensement koufique, hein? Abu Amr al-Basri, recensement bassorien, Ibn Kathir al-Makki, recensement mekwa, hein? Surtout que riwayat warsh, selon Tariq al-Azraq, il y a des règles relatives à la fin des versets. Donc si on mélange, on respecte pas le recensement médinois dans Riwayat Warsh, celui qui applique à la règle Tariq al-Azraq, il peut confondre, et il va faire ce qu'on appelle taqlil, une des règles de la phonétique, à l'endroit où il ne faut pas le faire. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, selon Warsh, la Surat al-Kahf, elle est de, ou selon le recensement médinois, Surat al-Kahf, elle est de 105, alors que selon l'Adl al-Kufi, elle est de 110. D'accord ? Le mushaf, selon la riwaya de Qaloun, sont imprimés selon. Il existe, oui, des mushaf selon la riwaya de Qaloun, mais ils sont imprimés selon, même chose, selon le recensement koufique. Ce qui ne convient pas aussi. Hein? Sauf en Libye. En Libye, où ils impriment le Coran selon Riwayat Warsh avec le recensement médinois premier, pas le deuxième, premier, et c'est ce qui convient en fin de compte. C'est ce qui convient. Les Chams, les Syriens, ils ont deux recensements. Il y a Dimashqi, Damascus, c'est Hicham, le disciple d'Ibn Amir, Hicham, et le recensement du Hims. Et ça, c'est le deuxième disciple d'Ibn Amir, c'est Ibn Dhikwan, Riwayat Ibn Dhikwan, an Ibn Amir. De toute façon, le recensement Hims est, il dérive du recensement syrien. Voilà ce qu'il en est du nombre des versets. Hein. L'ordre des versets repose sur un enseignement divin, tawqifi. Il est défini par la révélation, et cela, il y a ijma' là-dessus. Ijma', un ijma' catégorique, qat'i, entre les compagnons. Ijma' du salaf. Les versets se récitaient jour et nuit du vivant du prophète sallam dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons parler, inchallah, de la division du Coran en hizb, en partie appelée hizb. Le hizb, dans ce contexte-là, sinon hizb veut dire parti, le hizb veut dire une partie, il veut dire un wird. Wird, c'est un programme d'adoration, un programme quotidien que le fidèle se fixe ou s'impose. Le hizb, relativement au Coran, c'est une partie du Coran, un certain nombre, une partie du Coran. Ça peut être pour d'autres adorations, par exemple le dhikr, un certain nombre de glorifications, un certain nombre de dhikr ou de prières. Réciter, on peut réciter chaque jour une longue sourate ou deux sourates moyennes, ça c'est un wird. Qu'on se fixe, qu'on s'impose, un programme qu'on se fait. Voilà, ce jour-là je vais faire ça, ce jour-là je vais faire ça, ou chaque jour je vais réciter deux hizb, ou un seul hizb, ou deux pages, trois pages du Coran, etc., ou je fais tel dhikr ou tel dhikr. D'accord ? C'est un weird. Ça n'a rien à voir avec la bid'a, puisque tu ne crois pas qu'il est légiféré par. Mais c'est un programme personnel. Tu t'imposes, mais tu ne l'imposes pas à personne. D'ailleurs, pour toi, tu le considères pas comme obligatoire religieusement. C'est un programme qu'on se fixe. Comment on programme les cours du fiqh. Aujourd'hui, je vais étudier le hadith. Demain, un cours de sira. Le lendemain, un cours d'exégèse, etc. Hein? D'accord ? Et on peut suivre ce programme-là toute l'année. Donc, la bid'a n'entre pas dans ce genre de choses. Est-ce que le mot hizb a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons? Oui, il l'employait. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man nama an hizbihi ou an shay'in minhu faqara'ahu fima bayna salati al-fajri wa salati al-zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. Celui qui pendant la nuit s'endort sans avoir récité partiellement ou totalement la partie du Coran qu'il s'est imposée et qui la récite entre la prière de l'aube et celle du midi, le zohr, obtiendra la même récompense que s'il l'avait récité pendant la nuit. Donc le prophète dit Man nama an hizbi, il a parlé du hizb, donc son hizb, la partie qu'il s'est imposée s'est fixée. Ils ont parlé du hizb, les salafs, les compagnons, et ils ont parlé, le prophète, il a parlé aussi du juz. Les compagnons ont parlé du juz, partie. Il y a hadith apporté par Abu Daoud, où le prophète a dit « Qara'tu juz'an min al-Qur'an ». C'est un hadith authentifié par le Cheikh Albani, rahimahullah. Et aujourd'hui, on emploie le terme « hizb » et le terme « juz », mais on désigne par « hizb » le 60e du Coran. Et le « juz » le 30e. Vous savez, le Coran est divisé en 30 parties, 60 juz et 60 hizb. Le « hizb » est la moitié du « juz ». D'accord ? Ce n'était pas la même chose à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et des compagnons. Ce qui était courant chez beaucoup de compagnons, c'est la récitation du Coran en 7 jours. C'était celui-là leur hizb, leur wird. C'était la récitation du Coran en 7 jours. Ils le répartissaient sur 7 jours. Bien sûr, certains le répartissaient sur 10 jours, 20 jours, un mois, 3 jours. Mais la majorité, c'était ça. Le hizb, c'était 7 jours. C'est ce que le prophète, d'ailleurs, a recommandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, où le professeur sallam fut informé qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As jeûnait le jour et passait la nuit en prière, il ne se tournait pas vers sa femme et tout. Et le professeur sallam est allé le voir, il lui recommanda de jeûner 3 jours par mois. Abdullah ibn Amr lui dit non, je peux supporter plus. Et le professeur sallam lui recommanda de pratiquer le jeûne de Daoud, de Daoud, du prophète Daoud alayhi salam, en jeûnant un jour sur deux. Il a dit, et le professeur lui a dit en plus, j'ai appris que tu récitais le Coran en entier chaque nuit, et il lui recommanda de le réciter tous les mois. Abdullah ibn Amr lui a dit, je peux mieux faire. Et le professeur lui dit, tous les 20 jours, je peux mieux faire, lui dit Abdullah ibn Amr. Et le professeur lui dit, enfin, tous les 7 jours, et n'en fais pas plus. 7 jours, moins de 7, non, tous les 7 jours. Et c'est à partir de là que les compagnons, beaucoup de salaf, ils ont dit que le hizb doit se diviser en 7. Il y a un autre hadith rapporté par Abu Daoud, et où Aous ibn Abi Hudayfa al-Thaqafi a dit, il était dans la délégation de Thaqif, qui embrassait l'islam, vous savez, les délégations rendaient visite au prophète sallam et lui prêtaient serment d'allégeance. Lui, il était dans cette délégation de Thaqif au sud de la Mecque. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, j'ai été occupé par la récitation de mon hizb et je n'ai pas voulu sortir avant de le terminer. Et Aous, radiallahu anhu, il a demandé aux compagnons, avec sa délégation, il dit, nous demandâmes aux compagnons de l'envoyé d'Allah, comment vous partagez le Coran en hizb? Et ils répondirent, 3 sourates, puis 5 sourates, puis 7 sourates, puis 9, puis 11, puis 13, et enfin le hizb du fragmenté, le mufassal, qui est à la fin. D'accord? Ça veut dire depuis surat Qaf jusqu'à la fin. Ce hadith, est faible. Selon les muhaddithines, il est faible, mais beaucoup de compagnons respectaient cette répartition, respectaient ce taqsim. Il est Abdullah ibn Mas'ud, il le respectait. Tamim al-Dari, Zayd ibn Thabit, Uthman, Ubay ibn Ka'b, beaucoup de compagnons, des grands compagnons, en dehors des compagnons, Qatada, Tabi'i, Muhammad ibn Sirin, Alqam ibn Qais, Ibrahim al-Nakhai, Abu al-Aliya, ça c'est des grands tabi'in. Et comment se fait ce tahzib? Quand ils ont dit 3 sourates, puis 5, puis 7 sourates, puis 9, puis 11, etc. 3 sourates, c'est Al-Baqara, Al-Imran, Nisa. 5, 5, c'est Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Tawba. 7, les 7, c'est Younes, Houd, Youssef, Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Nahl. 9, c'est depuis l'Isra jusqu'à l'Furqan. 11, c'est depuis Shu'ara jusqu'à Yassin. 13, depuis Safat jusqu'au Hujurat. Et enfin, le Hizb de Qaf jusqu'au la fin du Coran. Il y a des savants, il y a des Qur'as. Jusqu'aujourd'hui, ils respectent ce tahzib. Ils ont dit il est excellent. Ils ont dit il est excellent. Donc c'était celui-là le tahzib des compagnons. Et chaque hizb se terminait à la fin d'une sourate. D'une sourate. C'est donc un tahzib par sourate. C'est-à-dire, premier hizb, Baqara al-Imran Nisa. Deuxième hizb, Al-Ma'id al-An'am, Al-A'raf al-Anfal, Tawba. La fin de Tawba, ça y est. Le troisième hizb comporte 7 sourates de Yunus jusqu'à Nahl, dernière Nahl. Donc c'était celui-là le tahzib des compagnons. Après, ce fut Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi qui fit le tahzib du Coran sur la base des lettres. Al-Hajjaj ibn Yusuf, il est mort en 110 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a fait Al-Hajjaj ibn Yusuf? Il a chargé des Qurra de compter les lettres du Coran. De compter les lettres. Puis il a divisé le Coran en hizb. Il l'a divisé en 7 parties. En 7. sur la base des lettres. Quand il leur a dit comptez les lettres, ils ont compté les lettres, puis il a divisé le nombre en sept, puis il a partagé en sept. Ce qui fait que la fin d'un hizb ne coïncide pas avec la fin d'une sourate. Parfois, il coupe la sourate au milieu, hein, et les phrases au milieu, d'accord? Et il coupe l'histoire au milieu. Le premier septième s'est terminé, comme a dit Abu Amr Dani. Le premier, depuis Surat al-Baqarah, le septième du Hizb, la division de Al-Hajjaj ibn Yusuf, il s'est arrêté à فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَا dans Surat al-Nisa. Ça, c'est Abu Amr Dani qui le dit. Donc, une partie de la Surat al-Nisa, de Al-Baqarah, jusqu'à une partie de la Surat al-Nisa, ça c'est compté comme un hizb, un septième. Ça, on le trouve dans le Bayan fi Addi, ayat al-Qur'an d'Abu Amr al-Dani, rahimahullah. Ben, après, on l'a divisé en 30 juz, en 60 hizb et tout. Et les ahzab, ils coupent l'histoire, ils coupent les sourates et tout. Ce n'est pas aussi parfait que le tahzib des compagnons. 30 juz, 60 hizb. Ça, c'est après le Hajjaj ibn Yusuf, et on l'attribue, Wallahu a'lam, à Abu Bakr ibn Ayyash. C'est Abu Bakr ibn Ayyash, il est mort vers la fin du deuxième siècle de l'Hégire, vers 195, je pense. 195 de l'Hégire. Nous allons passer, Inch'Allah, maintenant au lien de correspondance entre un verset, le verset qui le suit, et le lien de correspondance entre surat, la surat qui le suit, qui la suit, et entre le début du surat et sa fin. Je vous ai déjà donné un exemple de ces liens de correspondance dans l'introduction. Hein, l'exemple de la surat al-Fatiha et de la surat al-Baqarah. Hein. Lien de correspondance entre le début et la fin de la Fatiha. Lien de correspondance entre le début de la surat al-Baqarah et sa fin. Lien de correspondance entre la Fatiha et la surat al-Baqarah. Hein. Ces liens de correspondance sont une preuve que l'ordre des versets, l'ordre des sourates est déterminé par le wahy, par la révélation divine. Il est impossible qu'un être humain ordonne les versets et les sourates avec une telle perfection. Une perfection qui nécessite d'ailleurs, qui ne cesse de révéler ses secrets. Il existe maintenant ce qu'on appelle ilm al-munasabat, la science des liens de correspondance. Je vous ai donné l'exemple de Al-Fatiha et Al-Baqarah. La surat Al-Fatiha, elle commence par l'éloge d'Allah. Alhamdulillah. Louange à Allah. La surat Al-Baqarah commence par l'éloge de son livre. Zalik al-kitabu la raiba fi. Celui-là, cela est le livre. Élévation. La raiba fi. Nul doute ne l'entache. La surat Al-Fatiha, elle se termine par une invocation. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie de rectitude. Et la surat Al-Baqarah commence par l'exaucement de cette invocation, hein, en nous indiquant comment faire pour être sur la voie de rectitude, à savoir l'attachement à son livre. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un guide pour les muttaqin, pour les pieux. Hein, guide-nous sur la voie de rectitude. Juste après, la sourate qui vient après, ben voilà, vous avez demandé, vous m'avez invoqué, pour que je vous dirige, je vous guide sur la voie de rectitude, ben d'accord, voici le livre qui va vous guider. Donc c'est un exaucement de dua qui se trouve dans le Fatiha. Et si on revient au troisième arbre qui est schématisé, là on suit l'arbre qui schématise l'Itqan, c'est-à-dire la troisième partie, le troisième chapitre de l'Isqan, qui est de la compilation, celui de la compilation, ben nous trouvons que les liens de correspondance consistent en trois choses. En la comparaison, le contraste et la digression. At-tanzir, at-tadad et l'istitrad. Suyuti traite de cet art dans le 52e chapitre de son Isqan. Il cite ça, il cite tanzir, tadad, c'est-à-dire les liens de correspondance consistent en ces trois. Des savants ont écrit sur ça, sur les liens de correspondance. Abu Ja'far ibn Zubair dans Kitab al-Burhan Fitanasub Tartib al-Quran, Burhan Dil Baqa'i Suyuti, l'imam Suyuti lui-même, il a fait un livre, Tanasuq ad-Durar fi Tanasub as-Suwar. Donc il traite de ce sujet ici dans le 52e chapitre de son Itqan. Donc cela consiste en ces trois, Tandir, Tadad, Sitrad. Tandir, c'est l'analogie ou la comparaison. Nous allons donner un exemple de ce lien de correspondance qui consiste en l'analogie. C'est le fait de réciter deux passages qui se ressemblent. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Yas'alunaka 'anil anfal Qul il anfalu lillahi wal rasul Fattaqu Allah wa aslihu dhata baynikum Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. D'accord ? Oulaika humul mu'minun haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sourate al-Anfal. Il t'interroge sur le butin. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfal lillahi wa ar-rasul. Dis le butin revient, le partage du butin revient à Allah, le butin revient à Allah et à l'envoyé. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Ainsi donc, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son envoyé si vous êtes croyants. Et puis le verset se suit jusqu'à ce qu'Allah dise « Les croyants sont ceux dont le cœur en l'ouajal ouajilat qulubum frémissent quand le nom d'Allah est invoqué, ceux dont la foi augmente et quand ces versets sont récités et qui s'en remettent à Allah wa ala rabbim yatawakkalun. » Oulaika humul mu'minun haqqa. Ceux-là sont les vrais croyants. D'accord ? Voici ce passage-là. Autre passage. La suite. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Ainsi Allah te fit sortir à bon droit de ta maison alors qu'un groupe de croyants t'ont suivi à contre-cœur. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين. Ils discutent avec toi en contestant quelque chose dont la vérité s'est manifestée. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Comme s'ils étaient poussés vers la mort les yeux grands ouverts. Ils n'ont pas voulu le combat. Voilà, nous avons deux passages analogues. C'est que des compagnons du prophète sallam s'étaient disputés au sujet du butin. Yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi wa ar-rasul. Ils t'interrogent sur le butin. Ils s'étaient disputés sur le butin. Ça c'est après l'expédition de Badr, après la bataille du Badr. Ils s'étaient disputés au sujet du Badr. Au sujet du butin. Certains n'étaient pas contents. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle à son envoyé que le partage du butin, que le butin même lui-même revient à Allah et à son envoyé. Il a dit, vous pouvez contester, vous pouvez discuter, vous pouvez manifester votre comportement. C'est à Allah et à son envoyé qu'il revient ce butin-là. C'est bon? Donc, le passage suivant, Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaq. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Le passage ainsi Allah te fit sortir à bon droit de ta maison alors qu'un groupe de croyants t'ont suivi à contre-cœur. C'est-à-dire, de la même manière, Allah t'a fait sortir de ta maison pour intercepter la caravane de Quraysh. C'était Badr. Hein? Et ils étaient mécontents. Hein? Ils n'ont pas voulu combattre. Et quand le combat fut imminent, hein? Ils se mettaient à discuter avec toi et à contester, à émettre des objections, d'accord ? C'est comme si Allah leur disait, écoutez, vous avez répugné à sortir avec le prophète pour intercepter la caravane de Badr. Et quand bon, Quraysh furent informés, ils mobilisèrent toute une armée, et ça y est, le combat fut imminent à Badr. Il a dit, vous avez répugné à sortir avec le prophète et vous avez fait des objections au prophète, mais quand vous lui avez obéi, vous avez triomphé. Vous avez triomphé de votre ennemi, les Quraysh, les kuffars de Quraysh. De même ici, Allah leur dit, ici, cessez de polémiquer, acceptez le partage du prophète et vous jouirez d'un grand succès. Donc c'est ce qu'on appelle tanador, l'analogie. Donc le premier passage, ils discutaient tout. Et Allah leur demande d'obéir. Et puis il dit la même chose. Vous discutez, vous avez émis des objections concernant, vous n'étiez pas content concernant la participation à la bataille. Et voilà, vous lui avez obéi. Et c'est bien. Voilà, vous avez obtenu le succès. Vous avez triomphé de votre ennemi. De même ici, il faut lui obéir. Il ne faut pas contester. Il ne faut pas émettre d'objection. C'est ce qu'on appelle at-tanadhur. C'est bon. Donc ça c'est l'exemple de Tanador. Exemple du contraste. L'exemple du contraste comme figure de style, en parlant de rhétorique là. Le contraste, l'opposition au contraste, lien, puisque on a dit tout à l'heure que les liens de correspondance consistent en analogie, le contraste, l'opposition et la digression, l'estetrad. Exemple du contraste. Au début de la sourate Al-Baqara, Allah a fait l'éloge de son livre, qui est un guide pour les croyants. Alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Hein? C'est un guide pour les croyants. Puis il a commencé à décrire les qualités des croyants. Hein? Qui croient au minhum bil-ghayb, ils croient au ghayb, wa yuqimuna as-salah, ils accomplissent la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, font des dépenses nécessaires sur ce dont nous leur pourvoyons. Hein? Ils croient en ce qui a été révélé à Muhammad et en ce qui a été révélé avant, au prophète avant lui. Yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été révélé aux autres prophètes. Donc, après cela, direct, l'autre extrême. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Quand on mécréant, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Donc un contraste qui incite à réfléchir. Afin que le lecteur saisisse ce contraste et se rende compte de la grande différence entre les deux catégories de gens, les muttaqin et les kuffar. Ce contraste se perçoit entre les versets et entre les sourates, ça j'en ai parlé. Entre les sourates, j'en ai parlé dans mes leçons sur les perles de que j'ai intitulé les perles d'éloquence coranique. Entre la sourate al-Ma'un, sourate d'ustensile, et la sourate al-Kawthar, Ma'un, Ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din, as-tu vu celui qui traite de mensonge le jour dernier? فذلك الذي يدعو اليتيم, c'est celui qui repousse brutalement l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين, et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, malheur à ceux qui assujettis à la salat mais qui sont distraits de leur prière. Hein? الذين هم يراءون ويمنعون الماعون, hein, ceux qui font preuve d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Cette sourate là, nous avons parlé du contraste entre cette sourate et la sourate qui vient après, la sourate Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, c'est nous qui t'avons, certes nous t'avons accordé le Kawthar, c'est-à-dire le Kawthar c'est un bien en abondance. Fasalli li rabbika wanhar, accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka wal abtar, c'est celui qui te hait, qui est le plus grand mutilé, c'est-à-dire sans postérité. Méditez avec moi. C'est celui qui repousse brutalement l'orphelin. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, sourate al-Ma'un, sourate l'ustensile. Qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Wa la yuhuddu 'ala ta'am al-miskin. Fawailu lil-musallin alladhina 'an salatihim sa'un. Refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Repousse l'orphelin, n'incite pas à nourrir le pauvre, refuse l'ustensile. Ce sont les caractéristiques de qui? De l'avare. البخيل. Hein? Donc, subhanallah, là ce sont les qualités du bakhil, de l'avare. Mais quand, là, quand vous passez à la surat al-Kawthar, directement la générosité. Nous t'avons accordé l'abondance. L'abondance. Nous t'avons accordé l'abondance. On est généreux. Allah, il dit, je suis généreux. Nous t'avons accordé l'abondance. Et puis il lui demande, il lui ordonne d'être, de sacrifier nahar, de pratiquer le nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Et nahar s'applique surtout aux chameaux. Et imaginez quelqu'un qui sacrifie les chameaux et on nourrit les pauvres. C'est le sommet de la générosité. Donc il y a contraste ici. L'avarice et de l'autre côté, la générosité. D'accord ? Dans Surat al-Ma'un, la négation du jour dernier. Fadhalika ashnu ? Fadhalika. As-tu vu ? Ra'aita alladhi yukadhibu bid-din ? As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour dernier ? Négation du jour dernier dans Surat al-Ma'un. Et l'affirmation du jour dernier dans la Surat al-Kawthar. Hein, par la mention du Kawthar. Nous t'avons accordé le Kawthar. Et le Kawthar signifie l'abondance et signifie un fleuve du paradis. Qui dit paradis du jour dernier ? Dit vie future. D'accord ? La distraction de la prière, l'ostentation dans Surat al-Ma'un. Et la prière faite avec sincérité dans Surat al-Kawthar. Fasalli li rabbik. Prie pour ton Seigneur et pas par ostentation. Et ne sois pas distrait. Quand on dit prie pour ton Seigneur, ça y est, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'ostentation. Donc il y a un contraste ici aussi. C'est celui qui te hait qui est le plus grand mutilé. Inna shani'aka wal abtar. Là, le contraste entre les deux individus. Le mécréant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui hait le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution, qui repousse l'orphelin, qui n'incite pas à nourrir le pauvre et qui fait preuve d'ostentation. D'accord ? Donc, méditez avec moi ce lien de correspondance entre les deux sourates. Exemple maintenant, nous allons passer exemple sur l'istitrad. La digression. Exemple, je vais donner un exemple. C'est dans la sourate Al-A'raf, les versets sur Adam et Ève. Allah les a mis en garde contre Satan. L'istitrad, c'est quoi? L'istitrad, c'est que tu parles d'un sujet, et puis tu changes de sujet, mais tu ne t'attardes pas dans ce sujet-là. C'est-à-dire, tu passes directement, tu reviens directement à ton sujet principal. Tu fais juste un message, un flash comme ça. C'est comme si tu envoies un message à des gens et puis tu reviens à ton sujet. L'exemple dans Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, Ya Bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. C'est le verset sur Adam et Ève. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a mis en garde contre Satan, et Satan les trompa, et puis ils mangèrent du fruit du paradis, et lors d'une nudité apparue, ils se mirent à confectionner un vêtement avec les feuilles du paradis. Tout le début, c'est le début de Surat Al-A'raf. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, Ya Bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité et comme plumage. Là, on est dans le même discours sur la nudité. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرِيشَ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Le vêtement de la piété vaut davantage. Là, il y a un petit changement de sujet. Pour revenir ensuite à la nudité, il dit Ô fils d'Adam, que Satan ne vous séduise pas comme il le fit quand il provoqua l'expulsion de votre père et votre mère du paradis. Ya Bani Adama, لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous séduise donc pas comme il le fit quand il provoqua l'expulsion de vos parents, de vos ancêtres du paradis, en les dépouillant de leurs vêtements afin de faire apparaître leur nudité à leurs yeux. Vous avez compris? Donc parler de nudité extérieure, puis directement Allah s'est dit. Le vêtement de la piété vaut davantage. C'est quand la parenthèse. Et puis il revient au sujet de la nudité extérieure. Ou comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de surat Nisa, « لَيْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ » Où il dit « Jamais le Messie n'aurait dédaigné être un serviteur d'Allah. » Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle du Messie, Isa ibn Maryam. Déjà avant, il parle « Ya ahl kitab la taghlou fi dinikum » aux gens du livre, « N'exagérez pas dans votre religion. » Il parlait, il dit « En fait, le Messie, je suis le fils de Marie, n'est qu'un envoyé d'Allah, l'objet de l'annonciation adressée à Marie et à un souffle venant de lui. » إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسوله. Il dit jamais le Messie n'aurait dédaigné être un serviteur d'Allah. Là, il parle toujours du Messie. Et puis juste après, il dit et jamais les anges rapprochés n'auront dédaigné une telle chose. ولا الملائكة المقربون. Pourquoi il parle des anges? Les chrétiens n'adoraient pas les anges. Mais là, il envoie un message aux mécréants de Quraysh, aux Arabes, parce que eux, oui, ils adoraient, ils rendaient culte aux anges, donc ils leur envoient un message, d'accord. Donc ça, c'est un exemple de l'istitrad. Et tout, subhanallah, toutes ces figures de style, même le changement, ce qu'on appelle le changement de sujet, mais le Coran le fait d'une façon, subhanallah. La personne, le lecteur ne sent pas qu'il y a discordance. Ces figures de style prouvent que l'ordre des versets et des sourates est déterminé par la révélation. Hein? Parce qu'il recèle en soi des sagesses et des secrets qui dépassent la raison humaine. Bon, il nous reste quoi? Il nous reste la graphie du Coran. Bon, nous en parlerons inchallah la prochaine fois. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.